Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. La langue des Gaulois n'était pas écrite. Enfin, quand elle l'était, c'était avec des lettres venues d'autres alphabets, alphabets étrangers, le latin ou le grec. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, Jules César s'en étonne dans la guerre des Gaules. Dans leur système, il est strictement interdit de mettre ses savoirs par écrit, alors que dans presque tous les autres domaines, que ce soit les comptes publics ou privés, ils utilisent le grec. Ils, ce sont les druides. César en donne les raisons. D'abord parce qu'ils veulent éviter que leur enseignement ne soit divulgué. Ensuite, parce que les étudiants, en comptant sur l'écrit, exercent moins leur mémoire. Hier comme aujourd'hui, le savoir est source de pouvoir, alors gloire à l'université de diffuser le savoir. Toute la semaine dans le cours de l'histoire sur France Culture, ces grandes figures qui ont façonné l'université et nous commençons aujourd'hui avec un personnage qui s'appelle Eumène. Disons-le, ce n'est pas le plus connu. Anthony Austin, bonjour. Bonjour et merci de m'avoir invité. Mais merci d'être là parce que vous allez nous présenter qui est Eumène. Eumène, nous sommes au 3e siècle de notre ère. Qui est-il ? Alors Eumène, on peut peut-être commencer par les sources qui nous font connaître. C'est un recueil de textes qu'on appelle les panégériques latins, qui sont des textes qui ont été redécouverts à la Renaissance, au moment des grands conciles, quand en 1431 à Bâle, on envoie des clercs chercher des textes anciens pour argumenter au moment des conciles. Et un de ces clercs, qui s'appelle Giovanni Aurispa, va trouver à Mayence, en fait, des manuscrits, dont le manuscrit des panégériques latins, ainsi que des livres perdus de Pline l'Ancien. Et dans ce discours de Maine, il est inséré dans un corpus de 12 textes, qui sont donc des panégériques, des discours d'éloge. Le premier était celui de Pline, le deuxième un panégérique écrit par un orateur qui était très proche de Théodose à la fin du 4e siècle. Et puis ensuite on a toute une série de textes qui sont regroupés et qui correspondent à des écoles qui ont été successivement importantes, des écoles supérieures, faudrait peut-être faire un sort d'emblée au terme université pour l'Antiquité, mais une école qui est très importante à cette époque, qui est l'époque de Bordeaux, qui a été illustrée par Ausonius, puis une autre école très importante, celle d'Autun, et enfin une dernière école, celle de Trèves, puisque Trèves était une capitale importante dans laquelle résidaient les empereurs, il s'était entouré d'une cour. Et donc Eumène, son discours, il est conservé dans le noyau des discours éduins d'Autun, et il est considéré comme un des textes les plus importants de ce corpus, parce qu'il est l'un des rares pour lequel on connaisse le nom de l'auteur. Alors, le texte d'Eumène, c'est un texte très rhétorique, puisqu'il est qualifié de panégérique dans le corpus. Mais c'est un texte très intéressant parce que c'est une rhétorique au service d'une entreprise civique. C'est pas de l'éloge de cour comme on pourrait l'entendre. On vient faire l'éloge d'un puissant à l'intérieur de la cour, une poésie de cour, un éloge un peu une éloquence, disons, épidictique, comme on disait dans l'Antiquité, pour flatter. Cette flatterie, elle est au service d'une entreprise. Alors si on essaye de replacer de reconstituer ce que nous dit Eumène, parce que c'est assez long, je peux pas tout décrire en quelques instants comme ça à l'oral. Disons que en 298 après Jésus-Christ, la Gaule a subi toute une série de difficultés, de problèmes économiques. Il y a eu des sécessions, il y a eu des guerres civiles donc en Gaule, et le territoire était durement frappé parce que les élites locales n'ont pas pu prélever les impôts, entretenir les bâtiments, etc. Et intervient une œuvre de restauration qu'on doit à un empereur qui est très important, qui est Dioclétien, et qui va s'associer d'autres empereurs. Il va créer ce système particulier qu'on appelle la tétrarchie, un gouvernement à quatre. Et dans le contexte de la restauration tétrarchique par Dioclétien, eh bien, les gouverneurs sont envoyés dans la province de Lyonnaise et dans les autres provinces où on a la même situation pour inspecter en fait les cités pour voir où en sont les comptes des cités. Est-ce que les curies, c'est-à-dire les conseils municipaux, sont dotés suffisamment d'individus pour supporter le poids de l'impôt, la gestion locale, etc. Et dans ce contexte, au printemps 298, le gouverneur de Lyonnaise se rend à Autun pour inspecter la ville, pour voir si les travaux en cours se déroulent bien, si la curie a bien été repeuplée par des élites venues d'autres endroits, et si tout fonctionne bien. Et c'est dans ce contexte-là que les Éduins, donc le peuple éduin, hein, qui continue de s'appeler comme ça à cette époque, envoie donc le, on est présent, tout tout cela ça se passe dans Autun, donc il y a une visite protocolaire, hein, un peu comme les visites présidentielles classiques des années 70 avec des chants, etc. Et puis au moment où on se retrouve à la curie, c'est-à-dire le conseil municipal, on va dire, eh bien Eumène est envoyé comme délégué en quelque sorte, porte-parole de la cité, pour remercier le gouverneur de sa présence et aussi demander à restaurer les écoles. Autun, il faut le rappeler, nous nous trouvons en Bourgogne, la Bourgogne actuelle. Et Autun, bah, je vous propose de la visiter, cette jolie ville, mais la visiter à partir des actualités Rhône-Alpes en 1962. Invitation au voyage, invitation au tourisme. Vous qui passerez peut-être en voiture dans le Morvan ces jours-ci, la ville d'Autun vaut bien une halte et une flânerie. D'abord parce qu'elle fut fondée en l'an 10 avant Jésus-Christ, et que par toutes ses pierres, par tous ses monuments, elle se rappelle qu'elle fut baptisée, ce qui n'était pas un mince honneur à l'époque, la Rome des Gaules. Au cours des siècles, Autun, ville phénix, fut plusieurs fois détruite, mais toujours reconstruite. Car le passé d'Autun remonte à la surface. On sait par exemple que la ville posséda un théâtre romain qui fut le plus vaste de la Gaule et qui pouvait contenir 20 000 personnes. Elle posséda aussi un amphithéâtre, plus grand que ceux de Nîmes et d'Arles. Assise sur ses souvenirs, fière de son passé, mais bien vivante tout de même, Autun est devenue cependant une ville industrieuse et active. Ah, quelle destinée pour Autun, donc une ville ancienne, une des premières villes fondées dans notre ère. Dites-nous, Anthony Austin, vous êtes directeur d'études à l'École pratique des hautes études. Vous avez publié un ouvrage intitulé « La cité et l'empereur ». Les Éduins, donc ce peuple gaulois qui se trouve dans la Bourgogne actuelle, pour simplifier, les Éduins dans l'Empire romain, et puis les voyages des empereurs dans l'Orient romain avec Sophie Lalanne. Quand vous entendez cette présentation d'Autun, ville prestigieuse, nous nous intéressons aux écoles d'Autun. Autun est fondée au 1er siècle de notre ère. Quelle était la vocation de cette ville, une vraie fondation romaine ? Tout à fait. Alors, il faut remonter encore un peu plus loin dans le temps pour essayer de comprendre pourquoi cette ville est si particulière dans sa panoplie urbaine, en fait. Les Éduins, dès le milieu du 2e siècle avant notre ère, vont être un des rares peuples de la Gaule centrale à passer un pacte diplomatique avec les Romains, ce qu'on appelait un foedus dans l'Antiquité, et ce traité va leur permettre d'entretenir des relations privilégiées à la fois commerciales, économiques et diplomatiques. Ce qui justifie aussi l'appel des Éduins en 58, quand les Helvètes vont traverser leur territoire, ce sont eux qui appellent César à l'aide au titre d'un traité entre deux peuples égaux. Donc ça, c'est très important. Et à ce titre-là, les Éduins portent comme nom, ou comme titre également, le titre de frère du peuple romain, Fratres Populi Romani. C'est exceptionnel, c'est un des rares peuples de la Gaule qu'ils possèdent à date aussi haute. C'est pas une invention savante ou qui serait largement postérieure. C'est vraiment quelque chose que c'est un titre que ces Éduins portaient dès l'Antiquité. Et donc, fort de ce titre, fort de l'alliance qu'ils ont passée avec César, malgré la période un peu difficile de l'année 52, au cours de laquelle une partie des Éduins ont suivi Vercingétorix contre César, même si effectivement César écrit la guerre des Gaules aussi à Bibracte, qui était l'ancienne ville qu'on pourrait qualifier de chef-lieu de l'oppidum, qui était à la tête de la confédération éduenne, du peuple éduin. Bien progressivement, ces Éduins se sont donc intégrés à Rome, et parce qu'ils sont considérés comme un allié puissant du peuple romain, très vite, à la fois César puis Auguste, son héritier, au moment de la création du nouveau pouvoir qu'on appelle le Principat, eh bien, il va décider de mener une politique d'urbanisation très puissante en Gaule. Il va donner son nom à très nombreuses villes, hein, qui portent encore la trace de ce nom. Et Autun, c'est Augusto Dunum, c'est la ville d'Autun, la ville d'Auguste. Et cette ville est créée quasiment ex nihilo vers 15 avant Jésus-Christ, dans les années 20 avant Jésus-Christ à peu près. Et le but, c'est de donner à ces peuples la même importance que n'importe quelle cité du monde méditerranéen de l'époque. Et donc, pour être intégré, il faut être urbanisé. En quelque sorte, le mot culture, il n'existe pas dans l'Antiquité, mais on peut utiliser humanitas, mais on peut aussi utiliser urbanitas. Sans ville, pas de culture. Et donc, l'urbanitas, ça passe par la ville elle-même et par la panoplie urbaine. Et dans la panoplie urbaine s'inscrit l'identité des Éduins. Et comme ils sont le peuple favori de Rome, en quelque sorte en Gaule, le peuple qui leur a donné le plus d'appui, de satisfaction, eh bien, ils vont obtenir des privilèges sans cesse qui seront incarnés dans les murs de la ville. On a entendu tout à l'heure parler du théâtre, c'est le second théâtre du monde romain. Après celui de Pompée à Rome, en diamètre, il mesure 148 mètres à peu près de diamètre. Donc si vous voulez, c'est pas juste un privilège qui leur est donné, c'est que cette taille implique un statut une proximité avec Rome, et donc c'est cette incarnation dans la panoplie urbaine même du statut et de l'importance des Éduins. Donc ça, c'est important aussi pour les écoles. Avec déjà des écoles. Alors pour les écoles, c'est compliqué parce que là encore, ce qui est formidable entre guillemets pour nous historiens, c'est qu'on dispose souvent de très peu de sources littéraires pour la Gaule en fait. En particulier, on en a beaucoup pour l'Orient romain, l'Égypte, mais pour la Gaule, on ne dispose de très peu de témoignages. Or, on fête cette année, je ne sais pas si on peut dire fêter, hein, les 2000 ans de la révolte de Julius Sacrovir, qui en 21 après Jésus-Christ, sous Tibère, va se révolter contre l'empereur. C'est probablement pas une révolte, disons, contre la domination romaine, comme c'était... Ça pouvait être interprété au XIXe siècle dans une perspective un peu nationaliste et très campaniliste. Enfin. Mais c'était vraiment un moment important au cours duquel probablement il y a eu des coups de tour de vis fiscal et il y a eu une révolte fiscale des élites contre le pouvoir central, contre Tibère. Et donc dans ce cadre-là, à Autun, le Julius Sacrovir, c'était probablement un des plus importants notables locaux qui se révoltent. Ils lèvent des troupes, donc ils avaient encore une capacité militaire importante. Il ne faut pas imaginer que du jour au lendemain, ils abandonnent les armes et on passe à la toge. Ce sont des élites guerrières hein, qui continuent d'être employées comme ça jusqu'au moins à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ. Et donc ce Julius Sacrovir va prendre appui sur le fait que dans la ville d'Autun, à cette époque, c'est Tacite qui nous le dit, il y avait des jeunes gens qui était envoyé par toutes les cités de la Gaule pour apprendre la rhétorique, l'éloquence, l'ars bene dicendi, parce que les Romains avaient décidé que c'était les Éduins qui se chargeraient de cette tâche. Donc là, il y a encore un élément de privilège supplémentaire qui s'ajoute à tout ce que je vous ai dit, la panoplie urbaine et le titre de frère du peuple romain. Savoir ce que les Gaulois apprenaient à l'école, cela est bien difficile, il faut aller rencontrer les druides. Comment ce petit village avec sa poignée de guerriers peut-il résister encore et toujours au puissant envahisseur romain ? Eh bien, c'est grâce à la potion magique que prépare le druide Panoramix et qui donne une force surhumaine à ceux qui ont le bonheur de la boire. Non, Obélix, non. Les effets de la potion sont permanents chez toi. Tu sais que tu es tombé dans la marmite quand tu étais petit. Tu es tombé dans la marmite quand tu étais petit. Chic des Romains. Chic des Romains dans les 12 travaux d'Astérix. Anthony Austin, nous connaissons Astérix qui formate hein, notre manière de regarder le monde gaulois avec le druide Panoramix. Effectivement, il n'y a pas tant que cela d'école, il n'y a pas d'écrit de Panoramix. Les Gaulois maîtrisaient une langue, ils pouvaient l'écrire en utilisant d'autres alphabets, c'est César qui nous le dit. Quelle était la construction d'une transmission des savoirs dans la Gaule en parallèle au monde romain ? Alors c'est compliqué, donc on va faire un sort aux druides, hein. Effectivement, le Panoramix, le cliché, il vient en fait de Pline, l'histoire naturelle, hein, livre 16, où on a cette description du chêne, du gui, de la serpe d'or, en fait. Donc, et c'est autour de ce témoignage qui est assez isolé finalement, hein, que les historiens du 19e siècle, en particulier ceux qu'on cherchait à construire la nation française, hein, se sont appuyés pour créer cette espèce d'image du druide à barbe un peu hirsute, c'est cette espèce de drapé blanc, et puis c'est ce cliché qui est tellement puissant que moi, en tant qu'historien, enfin les historiens qui travaillent sur les druides ou sur n'importe quel sujet autour des druides, on a très peu d'impact sur le pouvoir, sur, disons, pour changer les mentalités, là c'est clair. Mais disons que les druides, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, en Gaule, on a trois étapes en fait qu'on peut distinguer hein, de l'histoire de ce qu'on pourrait appeler un enseignement supérieur ou élevé. Donc on a une phase qui va jusqu'au 1er siècle avant Jésus-Christ, qui déborde probablement, c'est la phase au cours de laquelle les druides ont un rôle important. Puis on aurait une deuxième phase qui serait celle de l'école gallo-romaine fondée sur la culture gréco-latine, donc qu'on appelle la paideia. Alors la paideia, ça vient de païs, l'enfant en grec. La paideia, c'est l'ensemble de l'enseignement qu'on dispense, mais c'est aussi les valeurs qui sont rattachées à cet enseignement, c'est aussi la structure qui permet de transmettre cet enseignement, et ces valeurs, ce sont les valeurs, ni plus ni moins, de la culture et du monde de gréco-romain. C'est par opposition aux barbares, hein, et qui eux sont dans la sauvagerie, la feritas. J'ai parlé tout à l'heure d'urbanitas, d'humanitas. Les barbares, ce sont ceux qui vivent dans des huttes, dans les forêts, etc. Même si c'est complètement, évidemment, schématique. Donc les druides, en fait, on sait très peu de choses, parce que la plupart des auteurs, vous l'avez dit tout à l'heure, qui se rapportent aux druides, ce sont des gens de l'extérieur, qui ont une culture de l'écrit, qui sont des Grecs ou des Latins, donc déjà on a un point de vue qui est d'emblée biaisé, et ou alors on a aussi des connaissances sur les druides, mais bien plus tardives, par des traditions celtiques, d'Irlande ou bien du Pays de Galles, où là on a au Moyen-Âge, au milieu du Moyen-Âge, ces cultures qui étaient restées orales vont voir par le travail de clercs, un certain nombre de textes qui vont être figés, et on voit par analogie, par comparatisme, comparatisme anthropologique, beaucoup de similitudes entre ce qui est décrit par les textes anciens et les textes du Moyen-Âge irlandais. Alors c'est quoi un druide? En fait, un druide, donc ils ont tous, on s'imagine un peu la société gauloise en trois catégories. Une catégorie, on va dire, ceux qui travaillent, ceux qui prient et ceux qui guerroient. Ça, c'est très schématique, hein. En réalité, les druides, ils viennent de la même caste que ceux qui combattent. Ce sont les nobles, les équites, ceux qui montent à cheval. Et puis les druides, en fait, ils ont trois fonctions. On a parlé tout à l'heure de l'éducation. Donc ils ont une fonction religieuse de prêtre. Hein. Ce sont eux qui président et exécutent les sacrifices. C'est César qui nous le dit très bien, ça. Ils ont aussi une fonction juridique et judiciaire. Là encore, c'est César et puis Strabon, un géographe de l'époque d'Auguste, qui nous en parle. Ce sont eux qui maîtrisent le droit. Ce sont eux qui disent la justice à l'intérieur de la cité des peuples gaulois. Et ce sont eux aussi qui servent de juges entre les peuples. Quelque sorte de juge international, d'où la réunion des carnutes, etc. C'était une sorte de réunion comme ça. Donc, fonction religieuse, fonction juridique, et à ce titre, ils sont les maîtres de l'écrit. Donc, même s'ils n'ont pas à utiliser l'écrit pour la transmission de la culture propre à leur peuple, les traditions orales, etc., ils maîtrisent l'écrit parce que, au contact de Rome et des Grecs, et à Massalia, au sud, hein, de la Gaule, eh bien, ils ont dû s'adapter, et les structures étant de plus en plus complexes de ces états, ils ont dû utiliser ce qu'on appelle les archives, tout simplement. Et on en connaît au moins un exemple, vous l'avez cité tout à l'heure, c'est les archives des Helvètes, qui, une fois qu'ils sont vaincus, sont récupérés par César. Et ces archives, c'est du Celte, retranscrit avec l'alphabet grec, où on a la liste des individus, les impôts, etc. Donc on voit qu'ils utilisent quand même l'écrit. On a plein de traces d'écrits à Bibrac, on a retrouvé des tessons de poterie avec des noms d'individus. Et ensuite, la troisième fonction, celle que vous attendez tous, hein, c'est la fonction de formation et d'éducation, alors qui est très large. Elle pouvait s'adresser à l'ensemble des individus de la cité. Alors, quand je dis des individus, évidemment, je parle des hommes, et des hommes libres. Hein. On évacue les esclaves et on exclut de fait les femmes. Mais on avait là cette formation très large, une formation étroite, destinée à des jeunes gens qui devaient eux-mêmes, membres de la noblesse, devenir à terme des druides. Et le druide combat aussi. Hein. Faut pas imaginer que les druides étaient des clercs du Moyen-Âge. Ce sont des individus qui pouvaient aussi participer à la guerre. Donc ils ont un rôle politique éminent. C'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'ils reflètent parfaitement la position du savoir dans une structure sociale donnée. Ça, c'est fondamental. Et on retrouve un autre système, du coup, avec eux-mêmes. Et dans cette réflexion autour de l'enseignement dans la Gaule romaine, il y a cet enseignement qui nous vient évidemment des druides, mais il y a la réflexion sur ce qu'est l'enseignement lui-même dans l'Antiquité gréco-romaine. Eh bien, écoutez, regardons ce qu'il en est. Nous sommes devenus assez différents de nos pères pour que l'éducation qui fut la leur nous apparaisse dans une large mesure sous la catégorie de l'autre. Bien des choses en elle peuvent utilement nous surprendre qui s'oppose soit à notre pratique, soit à nos aspirations. Rome, finalement, ne fut qu'une héritière qui adapta aux besoins d'une cité paysanne, conservatrice et militaire, une tradition qu'elle importa de Grèce. L'essentiel est de former la conscience de l'enfant ou du jeune homme, de lui inculquer un système rigide de valeurs morales, des réflexes sûrs, un style de vie. L'éducation dans l'Antiquité, dans l'émission Actualité de l'Histoire sur l'ORTF en 1972. Anthony Austin, l'éducation telle que pouvaient le concevoir les Romains arrive dans la Gaule. Elle côtoie celle des druides. Est-ce que cela est antinomique? Est-ce que cela pousse à la confrontation? Y a-t-il une fusion plutôt de ces deux modes d'enseignement? Alors c'est assez compliqué. Disons que très vite, le système civique gréco-romain va s'imposer au peuple gaulois. C'est-à-dire qu'en fait, cette structure qu'on appelle la cité, la polis en grec, c'est la civitas en latin, c'est en fait une communauté juridique d'hommes libres qui s'auto-administre dans un territoire donné avec un chef-lieu qu'on appelle le caput civitatis, le chef-lieu de la cité. Donc une fois que cette structure est mise en place, c'est une structure où tout est public, et tout est écrit, et visible. Contrairement justement à cet enseignement des druides. Donc l'enseignement des druides disparaît de fait d'un système dans lequel on passe par des rites d'initiation, une forme de secret et une forme de groupe à l'intérieur duquel qui est dépositaire d'un savoir, mais un savoir qui est exclusif et propre à ce groupe. Donc là, on a d'emblée une forme antinomique qui ne peut pas fonctionner et l'éducation devient publique en quelque sorte. Donc cette éducation publique, l'intérêt, c'est que en Gaule, elle va se répandre dans des franges de la population qui n'étaient pas touchées à l'époque des druides par cela. Je pense par exemple qu'il y avait trois niveaux d'enseignement, pour dire les choses simplement, et l'éloquence est au cœur du système éducatif. L'apprentissage de la rhétorique, parce que c'est ça qui permet de décider dans la cité, de délibérer, de faire un éloge, ou de conseiller, etc., ou de décider au tribunal. Donc en fait, très vite, la culture écrite va se répandre. Hein. On voit que dans la Gaule, si on est attentif aux tessons découverts sur certains sites, ou très nombreux sites, on voit qu'il y a énormément de marques, de lettres, etc. Ça veut dire que jusque dans des franges, non atteintes auparavant de la société, on je ne sais pas si les gens savaient lire, écrire, s'ils maîtrisaient la langue, mais en tout cas, ils utilisaient les lettres, etc. Donc il y a une forme de littératie, comme on dit, qui s'est développée grâce à, probablement, la mise en place dans les cités, dans la ville, d'un système de magistrie, de maître d'école pour les petits-enfants, ce qu'on appelle l'infance, ça va de 7 à 12 ans. Puis à partir de 11-12 ans, seulement les garçons, principalement, reçoivent une éducation, ce qu'on appelle, on les qualifie de puer, hein. Donc c'est l'éducation du grammaticus, donc c'est très centré autour de tout ce que nous on appellerait les choses littéraires, mais qui étaient ramifiées à l'extrême, donc ça concernait énormément de choses, la philosophie, la poésie, etc. Et puis une fois que c'est le grammaticus a fait son travail, jusque vers 15 ans, là on passe dans le système qu'on pourrait qualifier, bon an mal an, d'université, en tout cas du système supérieur, et là c'est le rôle du rhétor, qui s'adresse à des gens qui ont une catégorie, c'est l'adolescens ou les juvenes, les jeunes gens en latin. Eh bien, nous avons nos rhéteurs qui arrivent et le savoir des druides est oublié. Ouf, eux-mêmes arrivent. Dites, maestro, est-ce que vous auriez un stylo, s'il vous plaît? Je voudrais prendre des notes. France Culture. Cela ne va pas être possible, psy. L'enseignement des druides ne se transmet que de bouche à oreille. C'est pourquoi on a retrouvé si peu d'écrits gaulois. Le cours de l'histoire. Oh, c'est génial, l'école dehors. Sans cahier ni livre. Ouais, mais du coup, il faut avoir une sacrée mémoire. Ce qui n'est pas du tout ton cas, Minus. Tu te souviens, l'année dernière, t'avais mis 2 mois à retenir le nom de la maîtresse. Xavier Mauduit. Il était une fois l'homme dans le cours de l'histoire. Nous nous intéressons aux grandes figures de l'université. Et avant même les universités, il y a des écoles, ces écoles gallo-romaines. Avec ce personnage d'Eumène, nous nous situons à la fin du 3e siècle après Jésus-Christ. Anthony Austin, nous marchons dans les rues d'Autun et nous croisons Eumène. Alors il a un parcours intéressant parce qu'il est une synthèse, quand on regarde son destin familial, de tout ce que vous nous avez dit. Oui, tout à fait. Alors Eumène, donc on le connaît par ce qu'il nous dit, hein, et dans une perspective très particulière qui est celle de son discours. Donc tout ce qu'il dit est subordonné au but qu'il s'était donné, à savoir de convaincre le gouverneur d'accepter que, en plus des rénovations urbaines qui étaient importantes à l'époque où il parle, donc en 298, que le gouverneur accepte de lancer un nouveau chantier, qui était le chantier des écoles. Ce qui montre aussi peut-être que ce qui est intéressant, c'est que si les cités étaient attentives à l'enseignement, le bâtiment lui-même était probablement privé, en fait. Ça aussi, c'est compliqué de savoir qu'est-ce qui relève du public, du privé, quand les empereurs interviennent ou pas, etc. On sait que des empereurs pouvaient intervenir et créer des chaires. On le sait avec Marc Aurèle, avec 4 chaires de philosophie durant son principat à Athènes. Il écrit ex nihilo, mais on voit très très clairement que Eumène a un rôle très particulier. Alors Eumène, son background, on va dire, hein, familial, c'est à quelqu'un qui nous dit que son grand-père était grec d'origine attique, donc il venait d'Athènes, et il s'était rendu à Autun parce que les habitants l'avaient fait venir. Il avait été séduit par le fait qu'ils étaient par leur amor doctrinae, dit le texte, l'amour de la doctrine du savoir. Il a été attentif à ça, et donc il est venu enseigner là-bas. Et donc Eumène lui-même est ancien enseignant des écoles. Il a été directeur des écoles, mais parce qu'il était un très grand rhéteur, un très grand lettré, il a été envoyé à la cour. Enfin, il a pas été envoyé, il a pris un poste à la cour impériale, probablement des tétrarques, où il était magister memoriae, c'est-à-dire qu'il était le magister, enfin le maître de la mémoire, c'est-à-dire en fait le responsable des archives et le secrétaire des empereurs. Donc quelqu'un qui était très haut placé, qui avait une dignité importante dans la société. Il était membre de l'ordre équestre, qui est le deuxième ordre de l'État, et il recevait un salaire, un émolument de 300 000 sesterces. Et dans le texte, il nous dit clairement que cet émolument, il a été doublé par les empereurs au moment où il a pris sa retraite. Donc il parle au moment où il est à Autun, il est retourné à Autun. Et il nous décrit très clairement la procédure aussi. Je vais donner tant d'argent, etc. Donc on voit que c'est un acte d'évergétisme individuel d'Eumène. Alors ce qui est très intéressant pour son grand-père, c'est qu'en fait, on a là un très bel exemple de la diffusion de ce qu'on appelle la seconde sophistique, c'est ce grand mouvement de restauration de la culture gréco-romaine à partir des Antonins, et qu'on connaît très bien pour l'Orient, et qu'on connaît assez mal pour l'Occident. On a quelques figures qui émergent en Afrique, en Italie, un petit peu dans le sud de la Gaule aussi. Et là, on voit qu'Autun est une des ramifications les plus septentrionales, les plus lointaines, si vous voulez, de ce mouvement de restauration de la paideia, de la culture gréco-latine à la faveur de la paix romaine. Donc ça, c'est très intéressant à voir de ce point de vue-là. Et donc Eumène s'insère dans cet arrière-plan social. Il est membre des élites locales, mais son propre grand-père est un grec. Et il a fait carrière auprès des empereurs parce qu'il était un homme lettré, un vir literatus, comme on dit dans les textes. À la fin du IIIe siècle, Eumène demande à ce que l'on reconstruise les écoles d'Autun. Très bien, mais dans ce cas-là, Anthony Austin, pourquoi faut-il les reconstruire? Elles avaient été détruites? Alors, il explique clairement que son grand-père, qu'il a connu, mais très peu. Donc, en fait, si on essaie de faire des calculs un peu savants, ou un peu hypothétiques plutôt, si Eumène est âgé à la retraite en 298, si lui-même, comme il l'indique, il a un fils qui enseigne dans les écoles, qui est lié à la rhétorique, que son grand-père, il l'a à peine connu, mais il était mort âgé quand lui-même était jeune, donc par une espèce de jeu de reconstruction, le grand-père, il faut le faire naître autour de, disons, du règne de Marc Aurèle et de Commode. Donc ça, c'est intéressant de voir sur la longue durée. Donc on a une information de 298, mais on voit que la culture, il y avait encore les écoles. On arrive à, du coup, par analogie, à dire, tiens, dès le IIe siècle, ces écoles sont encore là. Elles étaient déjà présentes sous Tacite, enfin sous Tibère, rapportées par Tacite. Et donc on voit qu'il y a une continuité, en fait, importante. Donc Eumène va faire reconstruire ces écoles parce qu'elles avaient été probablement, comme on voit dans les inscriptions, détruites par la vétusté des temps. C'est-à-dire qu'elles s'étaient progressivement ruinées. Il y a une sorte d'incurie qui s'était installée du fait justement de ces problèmes financiers, ces problèmes fiscaux de la deuxième moitié du IIIe siècle, ces guerres civiles aussi. Hein. Il y a énormément de combats qui se passent en Gaule et puis dans l'Empire romain, à l'intérieur du territoire, et aussi peut-être des invasions barbares. Mais les invasions barbares, finalement, elles ont probablement pas été si importantes que ça, et les barbares n'ont pas saqué la ville d'Autun. Hein. C'est vraiment un problème interne, surtout. Et donc, ces écoles étaient probablement ruinées, en fait. La toiture, faut imaginer des éléments. Et il propose de donner 600 000 sesterces, qui est une somme importante pour l'époque. Les sesterces n'existent plus, hein, à la fin du IIIe siècle. La monnaie de bronze a disparu dans les années 250, à peu près. 260 pour la Gaule, c'est un peu compliqué, mais de fait, c'est de la monnaie de compte qui montre l'importance quand même de la somme. Et donc, il va, par un acte d'évergétisme, offrir à ses concitoyens la restauration complète de ces écoles qui étaient abîmées. Et donc on voit que les travaux importants vont être lancés. Et si le discours a été gardé, on pense que ça a été accepté. On ne sait pas l'issue du discours, mais on pense que ça a été entériné. Voilà, l'évergétisme, aucun rapport avec l'évergéture, c'est vraiment donné pour le bien public. Nous parlons de ce panégyrique d'Eumène. Eh bien, écoutons-le. À l'occasion de ce discours, éminent gouverneur, c'est l'étrangeté du lieu, non point la nouveauté du sujet qui cause mon émoi profond. Car ce que je demande, nul n'oserait y contredire ni y faire obstacle, mais tous ceux, au contraire, à qui la divine libéralité de nos princes, la reconstruction de cette ville, le culte des études libérales inspire reconnaissance et joie, doivent y souscrire avec un plaisir et une faveur extrême. C'est que ces écoles méniennes, jadis fameuses par la beauté du monument et célèbres par l'affluence des étudiants, soient rétablies en même temps que l'on restaure les autres bâtiments et les temples. Ainsi, autant cette tribune me déconcerte, autant me réconforte la cause que j'ai à plaider. un extrait du panégyrique d'Eumène qui nous est lu par Daniel Königsberg dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Milena Hellig avec aujourd'hui à la technique Clara Galivelle. Nous entendons dans cet extrait, ce panégyrique, ce mot école ménienne. École ménienne, Anthony Austin, ça veut dire quoi ? Alors d'abord, je suis très ému d'entendre Eumène. J'ai travaillé dessus pendant longtemps dans ma thèse. Et sa voix qui surgit là des micros me touche particulièrement parce que c'est effectivement un individu qui est très touchant par la manière de décrire son parcours, etc. Alors ces écoles, c'est ce qu'on appelle les écoles méniennes. Dans le texte, il est écrit « scolae maenianae ». Donc le mot « scolae », si on le translittère directement en français, c'est le problème de l'Antiquité. C'est que souvent, on a une espèce d'empathie, de proximité avec l'Antiquité romaine, en particulier le latin. Et ces mots, en fait, ont des réalités derrière qui sont totalement étrangères aux nôtres. Alors ce qu'on appelle une scola dans l'Antiquité, c'est un bâtiment dans lequel se réunissent des entités sub-civiques, c'est-à-dire des groupements d'individus qui peuvent appartenir à un groupe identifié dans la cité, mais qui ne sont pas représentés au niveau de la cité. Et ils possèdent pour cela une sorte de bâtiment qui leur permet de se réunir pour procéder à des rituels cultuels liés à leur regroupement. Ça peut être aussi des lieux où on pratique le banquet, c'est des lieux aussi d'entraide. Hein. Il n'y a pas de sécurité sociale à l'époque, donc quand quelqu'un, un membre de la corporation, par exemple des artisans, décède, eh bien, ils se cotisent pour payer les obsèques ou aider le jeune garçon l'orphelin, ou je ne sais quoi. Donc c'était des groupements d'entraide qui étaient eux-mêmes visibles dans la cité. Là encore, c'est toujours cette question de visibilité. Si les Romains ont toujours eu peur des druides, il y a d'ailleurs eu des lois des empereurs au 1er siècle après Jésus-Christ. C'est justement parce que ça a échappé, les druides, l'enseignement échappé à cette visibilité. Alors donc, les écoles, elles, au contraire, civiques d'Autun, étaient complètement visibles, elles étaient insérées dans le tissu urbain. Donc ces scolae sont des bâtiments fonctionnels pour des regroupements, pour des corporations, pour des entités, des individus, des regroupements d'individus qui s'attelaient à une tâche en particulier. Alors scolae maenianae, en fait, on pense très probablement qu'il s'agit du nom du premier évergète fondateur des écoles, un certain Maenius, mais dont on n'a aucune idée de qui il était, de ce qu'il a fait, etc. Donc voilà, ces scolae sont le bâtiment fonctionnel, sans qu'on puisse en savoir davantage d'à partir du texte, sinon que Eumène nous dit où elle se trouve, puisque le gouverneur est venu dans la cité. Il dit, oh, comme tu as vu tout à l'heure, hein, Utipse Udisti, comme tu as vu par tes yeux, les écoles se trouvent sur la route qu'empruntent les empereurs quand ils viennent nous visiter. Donc c'est la grande voie nord-sud d'Autun, qui est le Cardo Maximus, on dit. Hein, disons que c'est une appellation générique. C'est la grande route qui allait de Lyon jusqu'à Boulogne. Donc il faut imaginer qu'il n'y avait pas de contournement de ville à l'époque, il n'y avait pas de rond-point un peu partout. Il y avait vraiment cet axe qui structurait la ville et qui était le lieu de la mise en scène de la puissance des Éduins. C'est là que s'alignaient les grands bâtiments principaux, les grands monuments. Et avec le forum au centre. Et il nous dit eux-mêmes que les écoles sont quasiment, il utilise l'image du visage, la ville est un visage, et que les écoles se trouvent quasiment entre les deux yeux de la cité, le forum au nord, donc pour nous, on sait où il se trouve à peu près, et le temple d'Apollon au sud, qui est lui-même à une forme circulaire. Or, tous ces éléments-là, on voit à peu près où ils sont, et donc les écoles se trouvaient sur cette voie importante, et elles avaient, elles étaient mises en valeur par cette présence physique le long de l'axe principal de la ville. Des bâtiments imposants, ces écoles d'Autun dans l'Antiquité, mais qui y enseignait déjà, nous entendons, il y a des rhéteurs, mais qu'enseignaient ces rhéteurs? Réponse avec Henri-Irénée Marou, le grand historien, un des pionniers, le pionnier de l'histoire de l'éducation dans l'Antiquité. Monsieur le professeur Henri-Irénée Marou, vous êtes membre de l'Institut, vous avez été longtemps professeur d'histoire ancienne à la Sorbonne, et vous êtes l'auteur d'une célèbre histoire de l'éducation dans l'Antiquité. Est-ce qu'on peut considérer l'Académie comme étant la première école qui ait jamais existé ? Oui, certainement, c'est avec l'Académie, n'est-ce pas, que nous avons une véritable école, une école de hautes études. Platon s'adressait à une élite d'élèves, n'est-ce pas ? Platon formait des philosophes, et les philosophes ont formé par l'austère discipline des mathématiques. Donc il s'adressait à un très petit nombre d'étudiants, si je puis dire. Et en somme, il faut nous représenter l'Académie un peu comme l'école pratique des hautes études, chez nous, le Collège de France. Mais c'était une institution qui avait un siège, l'Académie, c'était un bois sacré, un lieu consacré par la religion, et un lien très étroit reliait le maître et les disciples. Qui dit éducation grecque implique un lien affectif très étroit entre le maître et l'élève. Il y a des liens personnels. Rien n'est plus loin, n'est pas de notre pédagogie moderne où un professeur s'adresse à un auditoire anonyme de plusieurs centaines d'étudiants. Anthony Austin, vous êtes directeur d'études à l'École pratique des hautes études, donc vous vous entendez hein, dans cette archive Henri-Irénée Maroux qui évoquait le lien possible entre l'École pratique des hautes études et puis les écoles de l'Antiquité. À quoi ressemblait l'école d'Autun? Comment fonctionnait-elle? Il y avait ce lien très fort entre l'enseignant et l'étudiant. Alors, on n'a à peu près aucune information sur le contenu même de l'enseignement dans ces écoles à Autun. On peut uniquement fonctionner par analogie pour dire que donc Henri-Irénée Maroux l'avait indiqué dans son Histoire de l'éducation. Il disait d'ailleurs hein, très clairement dans le deuxième volume qui était consacré à Rome, hein, il disait « les études supérieures se résument pratiquement à la rhétorique au sens le plus formel du mot ». Donc le cœur de l'enseignement de ces écoles, c'est là, en fait, ce qu'on dirait, la rhétorique en France a une connotation négative, parce qu'il y a la classe de rhétorique à la fin du XIXe siècle, qui avait constitué un système éducatif en poulet et que beaucoup ont critiqué. À l'époque, on va plutôt parler d'ars bene dicendi, l'art de bien parler, l'éloquence en fait, ce serait plus juste. Sachant que les Gaulois s'illustraient déjà avant la conquête dans l'éloquence, que c'est un des traits des Gaulois de pratiquer l'éloquence, parfois une éloquence qu'on va qualifier de jactance tellement qu'il parle, il parle, il parle. Dans les écoles de Maine, on apprend là les écoles méniennes, hein, là où enseigne Maine. On sait que c'est structuré. Il y a un directeur, il est modérateur, praecepteur. Il y a toute une structure interne qu'on devine avec son texte. Il y a ensuite ce qu'il nous dit lui directement, donc la rhétorique qui était au cœur de l'enseignement. Ce qu'on peut déduire aussi de sa culture par les exemples qu'il cite dans son texte. On peut reconstituer une sorte de bibliothèque imaginaire à partir de tous ces panégyristes d'Autun. On voit qu'ils ont lu tel auteur, tel Cicéron, etc. Donc on peut dire, tiens, à Autun, il existait peut-être une bibliothèque qui conservait des volumina, hein, ces grands rouleaux de papyrus où on avait reproduit des textes. On sait aussi qu'à Autun, une grande découverte a été faite dans les 60 et 90, c'est une mosaïque où sont figurés des poètes grecs. Métrodore, Anacréon, Épicure, et pour même une des citations qui sont reproduites sur le pavement, on a pu l'attribuer et la réattribuer définitivement à l'auteur. Donc, ce qui est exceptionnel, avec des lettres qui correspondent à un certain type d'écriture, qui correspond lui-même à l'époque de la citation. C'est-à-dire que quand on voulait représenter la citation du poète archaïque Anacréon, on utilise un certain type de forme de lettres. Donc c'est un savoir extrêmement, extrêmement sophistiqué. Et alors, dans les écoles, qu'est-ce qu'on apprend? Il faut imaginer, je pense, ces écoles comme quelque chose qui correspondrait au gymnase antique ou à la palestre de Pompéi. C'est-à-dire un lieu où on éduque le corps et l'esprit. Un peu comme les collèges anglais à Eton, vous voyez. Le rugby a une sorte de pré-apprentissage, l'exercice du commandement, du souder le groupe. Donc effectivement, il y a cette idée d'incorporation très forte et de lien aussi très fort avec les maîtres, puisque dans ces écoles, la rhétorique, l'art de bien dire, passe par l'apprentissage de la poésie, de la philosophie. Et la philosophie, à l'époque, c'est une éthique. On n'est pas philosophe, disons, uniquement sur le papier. On fait cours et on s'en va. La philosophie, ça implique des règles de vie. On parlait de l'académie de Platon tout à l'heure. On pouvait parler aussi du jardin, etc. Donc ces écoles impliquaient un mode de vie, un lien avec l'enseignant. Et puis, c'est des écoles aussi où... ces gens sont incorporés aussi par la religion, puisque tout est lié, il n'y a pas de distinction entre le religieux, l'éducatif et le politique, tout ça c'est imbriqué. Donc c'était des gens qui étaient très liés. Alors, les exercices qu'on pouvait faire dans ces écoles, c'était des exercices à visée pratique. Le but c'était d'apprendre à délibérer dans les conseils de la cité, à trancher dans les tribunaux, et puis à faire des éloges ou à louer les gens. Donc c'est les trois éléments clés de la rhétorique, hein, épidictique, juridique et puis délibérative. C'est les trois branches principales de la rhétorique. Donc avec des exercices qui pouvaient être « Vous êtes César avant le franchissement du Rubicon », et donc on donnait le texte à un étudiant. Donc c'est ce qu'on appelle des soisoriae, on invente un peu un discours. Ou alors il y avait aussi des controverses juridiques. Le père de Sénèque avait écrit un ouvrage comme celui-ci, où on a des controverses juridiques à partir d'un cas d'étude qui sont souvent un peu loufoques, qu'on peut voir parfois aussi dans les tribunaux aujourd'hui. Quoi. Donc voilà, qu'est-ce qu'on pouvait enseigner? Alors ce qu'on sait, c'est qu'un des panégyristes, alors il y en a quatre hein, à Autun, il y a Eumène 298, un qui prononce un discours en 297, un autre en 311 et un autre en 312. et 310-311, pardon. Et celui de 310, il s'adresse à Constantin dans un discours à Trèves, qui est un discours de vraiment classique, hein, on va dire panégyrique, c'est-à-dire discours de poésie de cour à Trèves devant l'empereur entouré de sa cour. Et dans ce discours, à la fin, il en profite pour recommander ses élèves, comme ils font souvent. Hein, c'est un discours, on est proche du prince, donc on va essayer d'avoir son oreille. Et, d'ailleurs, ils utilisent le terme « s'adresser aux oreilles sacrées », « apud sacra s'adresse » dans les textes, c'est très joli. Et profitant de ce moment-là, il dit « sache, empereur, que tous mes étudiants, mes élèves, mon fils lui-même, aujourd'hui gouvernent tes provinces ». Sont les avocats du fisc, etc., etc. Donc voilà, tout de suite la finalité pratique, c'est que autour du maître se crée une sorte de connexion, un réseau. On pourrait presque dire une connection, quoi. Il y avait la Edouane connection, on va dire, pour simplifier. Et on voit aussi la même chose un peu plus tard à Bordeaux avec Ozone, Ozonius, où on a une connexion bordelaise qui est très ramifiée et qui va jusqu'à Bordeaux, évidemment, de Bordeaux à Rome et puis de Rome jusqu'à Constantinople, puisque l'oncle d'Ozonius a été nommé à un moment recteur enseignant à Constantinople. Que ce soit Ozone à Bordeaux, que ce soit Eumène à Autun, il y a des écoles. Mais dites-nous, Anthony Austin, peut-on parler d'université ou alors il n'y a aucun rapport peut-être à l'origine des universités? Alors en fait, là, je pense qu'il y a trop de ruptures historiques. On ne peut pas établir un continuum qui ferait que de un point A, on irait un point B vers un point C et il y aurait un lien, un fil qui courrait de l'époque antique jusqu'au XIIIe siècle ou au XIVe siècle. Ça, c'est clair. Ce que je dis tout à l'heure, c'est que déjà, rien que pour l'Antiquité, on peut observer déjà trois phases qui n'ont rien à voir quasiment les unes avec les autres, mais dans lesquelles circulent les mêmes textes éventuellement. Enfin, donc Cicéron, il va très bien s'adapter, s'accommoder, l'enseignement de Cicéron, aux écoles de l'Antiquité tardive et du Haut Moyen-Âge. Hein, il va être conservé parce que ça correspond à un type d'apprentissage, etc. Donc ça ne pose pas de problème, les textes restent là, mais la structure change parce que la structure sociale est différente. Et ne serait-ce que même dans l'aspect physique des lieux d'enseignement, si on prend ces trois étapes de l'Antiquité que je vous ai présentées par souci de commodité, puis pour clarifier les choses pour l'auditeur, les druides, c'était un enseignement dans la nature, objectivement, en fait, d'observation de la nature. Il y a peut-être des salles dans les villes, à Bibrac, il y avait peut-être un lieu d'enseignement, mais c'est un enseignement qui est continu avec la nature, en fait, l'observation astronomique, les arbres, etc. Dans les écoles de l'Antiquité, disons, au moment de la conquête romaine et ensuite les écoles méniennes, là c'est vraiment un lieu très particulier qui ressemble à un gymnase palestre avec des portiques, une cour où on s'entraîne physiquement et puis des annexes où on peut enseigner. Et ces annexes, quand elles n'existent pas dans les petites cités, on sait qu'elles existent, la ville met à disposition des salles qui lui appartiennent. Et ce qui est très intéressant, je ne sais pas si on en reparlera plus tard ou tout de suite, c'est qu'il existe à Autun un complexe monumental qu'on a peut-être identifié comme étant les écoles méniennes. Parlez-en tout de suite, Anthony Austin. Point trop de suspense. Donc le complexe, ce qui est intéressant, donc je le disais tout à l'heure, c'est que Eumène parle des écoles et il l'indique topographiquement où elles se trouvent dans son texte, ce qui est assez rare. On a très peu de documents qui nous donnent des éléments topographiques aussi précis. Et en 2011, les collègues du Centre archéologique municipal, hein, qui est extrêmement dynamique, la mairie d'Autun fait beaucoup pour la culture et puis pour l'archéologie ces derniers temps. Eh bien, en 2011, les collègues du Centre archéologique municipal, conduits par Yannick Labeaune, ont mis au jour sur 900 mètres carrés, lors d'un diagnostic, c'est pas une fouille complète, toute une série de structures qui se trouvent très précisément là où on suppose être, d'après le texte, les écoles méniennes. C'est une structure archéologique qui ne correspond ni à des terres, on n'a pas de structure hydraulique avec des bassins, ce n'est pas un temple, on n'a pas la structure habituelle d'un temple, ce n'est pas le forum parce qu'il est plus loin. Alors, il y a plein d'éléments qui font qu'on doit, par élimination successive, essayer d'émettre une hypothèse. Alors ce bâtiment, on sait qu'il est construit quasiment ex nihilo au début du IIe siècle de notre ère, sur des maisons d'habitation de l'époque d'Auguste, des Julio-Claudiens et des Flaviens. Il a d'abord une physionomie très particulière, c'est un puissant bâtiment avec une façade monumentale sur la rue principale, et derrière on a une immense cour carrée qui doit mesurer dans les... une grosse cour carrée, c'est, si on veut avoir une idée de la physionomie du bâtiment, de sa taille, c'est à peu près la largeur du palais royal. Donc ça donne une impression de massivité, avec une forêt de colonnes qui l'entoure, avec 9 mètres, à peu près 10 mètres de profondeur, et au milieu une cour. Ce bâtiment est restructuré dans une deuxième phase avec deux cours qui correspondent quasiment à deux palestres. Et au IIIe siècle, il est restauré. Donc on a là à peu près toutes les indications qui font que c'est probablement le Maenus en question, c'est pas qui il était, mais c'est probablement lui qui fonde cette structure sur des bâtiments privés, donc vers les Antonins, on va dire. Sous les Antonins, les écoles fonctionnent bien, on les restaure, on les aménage, etc. Celles-ci sont un peu abîmées, mais pas assez pour les détruire, donc on les restaure à la fin du IIIe siècle. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à la fin du IVe siècle, le bâtiment est littéralement démantelé. Donc on voit là encore que ces bâtiments, les élites locales y portaient une attention très particulière, mais le jour où ces bâtiments n'incarnent plus les valeurs du moment, eh bien on n'hésite pas à détruire. C'est pas du tout comme nous, on n'est pas du tout dans cette perspective patrimoniale et conservatoire. On détruisait très facilement, mais une destruction brutale. Les colonnes ont été débitées comme des tranches de saucisson. Hein. Bah, vous évoquiez le Palais Royal, ça devient les colonnes de Buren. D'un coup, ces colonnes débitées, Anthony Austin... Autun disparaît en fait en tant que centre culturel, selon l'évolution même de la puissance de la ville, sa puissance de centre intellectuel disparaît. Pas vraiment, parce que le relais est pris très vite par les tout ce qui donc l'évêché hein, qui s'installe et qui possède un rayonnement très important. Le premier évêque d'Autun à tester, c'est un évêque historique, c'est pas un évêque inventé comme on l'a souvent dans des vies de saints du haut Moyen-Âge. Il s'appelle Rétitius, c'est un ami de Constantin, et il est convoqué à plusieurs reprises par Constantin en 313 et 314 pour des conciles importants où il fallait décider de choses. Et où Constantin a-t-il rencontré ce monsieur? Mais pendant les rencontres avec les Éduins qu'on connaît par les panégyriques latins. Donc ce qui est aussi très intéressant à Autun, c'est qu'en plus de cette structure monumentale qu'on a trouvée archéologique, qui nous fait connaître des réalités propres, on voit que à cette époque, on a aussi d'autres témoignages archéologiques très riches, par exemple une inscription chrétienne en grec, fin 3e, début 4e siècle, avec un nom d'individu qui s'appelle Pectorios, et on voit dans cette ville la transition s'opérer à la fois par les textes et par les sources littéraires, et les sources archéologiques, pardon. Donc là, on a vraiment un cas d'étude très très original. Eh bien écoutez, merci vivement Anthony Austin de nous avoir conduit, de nous avoir fait visiter cette ville antique d'Autun, ses écoles, et ce ne sont pas des universités, puis de nous avoir présenté eux-mêmes. Je rappelle, La Cité et l'Empereur, les Éduins dans l'Empire romain d'après les panégyriques latins, publication de la Sorbonne, et avec Sophie Lalanne, Les Voyages des Empereurs dans l'Orient romain, à l'époque antonine et sévérienne. Merci vivement à vous. Il est temps de rejoindre Anaïs Quien. Anaïs Quien avec son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui dans le journal de l'histoire, les célébrations nationales, un casse-tête au rendez-vous chaque année. Peut-on dépassionner les célébrations du passé? Chaque année, une liste de célébrations nationales est publiée qui sélectionne des personnages, des œuvres, des événements marquants dont le souvenir sera officiellement convoqué dans les mois suivants. Mais les polémiques ont régulièrement perturbé ce calendrier du récit national avec le débat né de l'apparition au programme de Louis-Ferdinand Céline en 2011 et celle de Charles Maurras en 2018. Le nom de ce dernier avait finalement été retiré par la ministre de la Culture en poste alors, Françoise Nyssen, une décision qui avait amené la majorité du comité à démissionner pour protester contre une censure difficilement compatible avec la réalité de l'histoire de France. L'antisémitisme de Céline et de Maurras, s'il devait être condamné, ne pouvait être effacé des mouvements majeurs à garder en mémoire. Un débat sur les mots pour le dire s'était alors ouvert. Commémorer, n'était-ce pas rendre hommage? Et devait-on garder les mots célébration ou commémoration, ou leur préféré devoir de mémoire? Pour pallier ces controverses qui avaient directement atteint le gouvernement, la stratégie du changement d'institution avait été adoptée et l'Institut de France était désormais en charge de fixer la fameuse liste annuelle à travers France Mémoire, cette fois sans tutelle du pouvoir exécutif. Xavier Darcos, ancien ministre sous la présidence de Nicolas Sarkozy, devenu chancelier de l'Institut de France, revient sur son rôle de pacification dans un entretien au Monde. Une mission délicate pilotée par l'historien Yves Brulet et un comité d'académiciens pour établir les anniversaires dignes d'intérêt et appelés à nourrir l'actualité avec l'ambition affichée que l'histoire, ses grands personnages, fassent partie de ce qui nous relie et non de ce qui nous divise. une volonté de modernisation et de diversité qui modère son pouvoir de prescription, et un Xavier Darcos qui espère que cette nouvelle politique de commémoration permettra aussi de faire redécouvrir des personnages tombés dans l'oubli, avec une insistance sur la présence dans ces célébrations à venir de Pauline Viardot, pianiste et compositrice, aux côtés de l'incontournable Napoléon et agrémentée de figures plus populaires comme Simone Signoret ou Frédéric Dard. Mais dans ce calendrier des célébrations nationales, le gouvernement a gardé un morceau de choix. Tous les événements vieux de moins de 50 ans et donc l'histoire du temps présent. À France Mémoire, l'histoire longue et parfois lointaine, à l'exécutif, les dossiers chauds, la mémoire vive et cette histoire souvent conflictuelle. À commencer par la guerre d'Algérie, Cédric Pietralunga, dans un article sur France Mémoire, rappelle que le rapport commandé par Emmanuel Macron à l'historien Benjamin Stora sur la mémoire de la colonisation et de la guerre d'Algérie doit être rendu dans la semaine. Affaire à suivre. Effectivement, affaire à suivre. Merci Anaïs Quien. On retrouve le journal de l'histoire et tous les liens utiles sur le site franceculture.fr et sur l'application Radio France. Anthony Austin, Anaïs Quien évoquait la commémoration, le souvenir. Ozone, le Bordelais, est très présent dans la toponymie urbaine à Bordeaux. Il y a plein de lieux Ozone, l'université notamment. Qu'en est-il pour Eumène? Il est un tantinet oublié, non? Alors, il n'est pas vraiment oublié, mais il a simplement sa rue à Autun, hein, derrière la mairie. Mais surtout, ce dont il a pâti, Eumène, c'est de l'article de Camille Julien, un article important hein, qui s'appelait « Les premières universités françaises, l'école de Bordeaux au IVe siècle », dans la Revue internationale de l'enseignement en 1893. Et dans cette revue, Julien, qui était d'origine bordelaise, qui a beaucoup, qui était très, patriote, a mis en avant la figure d'Ozone au détriment de tout ce qui s'était passé auparavant, en disant que c'était une forme de Marseille à donner le savoir à Autun, qu'il a donné ensuite à Bordeaux. Et voilà. Donc il y a cette histoire aussi, effectivement, de télescopage entre le contemporain, l'ancien et Eumène, finalement. Il va y avoir quand même des choses importantes dans les années qui viennent, puisque le musée d'Autun, le musée Rollin, va être entièrement rénové. Il y aura une nouvelle muséographie qui donnera sa place, justement, aux écoles, aux mosaïques, à la culture exceptionnelle de ce peuple qui était les Éduins. Voilà, l'importance de se souvenir du local, même antique. C'était le cours de l'histoire qui emmène sa barque avec Marion Dupont, Anne Toscan-Viudès, Odile Jouessel, Valentine Lovrens et Maïwenn Guizhou. Des émissions à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France. Demain, nous allons, avec Robert de Sorbon, visiter une université. Je vous laisse deviner laquelle.